the cell. Yeah. Sentiment vite installé. Garde money à nous transformer. Comportement à nous changer. Mais nous voyons plus sous. Moitié. Tissue, tissue, tissue.